Plage 6. Élevez vos vibrations. Rechargez vos batteries. Tout est énergie dans l'univers. Cette énergie est là, partout, en permanence, à notre disposition. Or, il se trouve que nous, humains, sommes également composés d'énergie. Une énergie qui vibre à un taux moyen de 20 000 cycles par seconde. Mais ce taux n'est pas toujours constant. Il peut varier. Si nos vibrations vibrent plus rapidement, alors notre état d'être est optimal et positif, et nous attirons à nous tout ce qui vibre à ces fréquences élevées. Et c'est souvent ainsi que nous récoltons les cadeaux de l'existence. Mais il arrive souvent que notre taux vibratoire soit inférieur à 20 000 cycles par seconde. Auquel cas, nous n'allons pas bien moralement et physiquement, et la vie place sur notre route un certain nombre de situations désagréables vibrant à cette même fréquence. Plus nos vibrations sont hautes, et plus notre vie nous donne de satisfaction et de bienfaits. Plus elles sont basses, et plus nous avons de difficultés variées. C'est la raison pour laquelle nous allons, ensemble, faire cet exercice en plusieurs parties, qui vous permettra d'élever votre taux vibratoire afin de vous sentir bien et de provoquer tout le meilleur de l'existence. Pour débuter, fermez les yeux et prenez de profondes inspirations par le nez, bloquez et expirez par la bouche. Sentez le calme s'installer en vous à chaque respiration. Continuez. À présent, je vous demande de visualiser votre corps dans son ensemble. Imaginez une représentation de votre corps, nu pourquoi pas, de la taille approximative d'une poupée ou d'un baigneur, placée devant vos yeux. Observez-le attentivement. Ressentez que vous formez un tout avec cette représentation de vous-même. Que vous êtes elle et qu'elle est vous. Que vous fusionnez avec elle. Attention, il ne s'agit pas de vous juger à propos de votre taille, de votre poids ou de vos petits défauts. Car vous feriez alors appel à votre ego et à votre mental ce dont nous ne voulons pas. Prenez encore un instant pour observer cette image réduite de vous. Peu à peu, vous percevez qu'une enveloppe lumineuse intense entoure progressivement cette image de vous. Laissez-la s'installer autour de votre corps et permettez à vos yeux de la voir de mieux en mieux. Plus vous la contemplez et plus elle est perceptible et intense. Cette enveloppe lumineuse entoure maintenant la totalité de votre corps sans discontinuer, sur une épaisseur de 30 cm environ. Vous irradiez de cette lumière. Cette enveloppe, que que vous observez est composé de vos corps énergétiques. Ce sont eux qui propagent vos vibrations vers l'extérieur, qui reçoivent également tout ce qui en provient et qui alimentent chaque partie de votre corps et de votre esprit. Visualisez maintenant une gigantesque sphère de lumière dorée, très intense et scintillante, qui s'approche et qui se place au-dessus de vous, comparable en taille et en distance à une pleine lune. Observez-la et ressentez toute la puissance qui se dégage d'elle. Partant de cette boule d'énergie, un immense boyau, ou si vous préférez, un tube ou un rayon, se connecte au sommet de votre tête, au niveau de votre chakra couronne. Je parle ici de votre véritable tête, non pas celle de l'image de vous qui est devant vos yeux. Ressentez cette énergie provenant de la source universelle qui entre dans votre tête, qui descend dans votre nuque, qui passe par vos épaules, qui parcourt vos bras, puis qui afflue et s'amalgame en grande quantité dans vos mains. Prenez un instant pour ressentir cette énergie qui est en vous. Placez votre conscience dans vos mains et éprouvez les sensations qui naissent. S'agit-il peut-être d'un échauffement, de picotement, de démangeaison ? Tout est possible. L'énergie accumulée en elle est gigantesque et intense. Laissez ces sensations qui sont dans vos mains vous parcourir. Maintenant, physiquement, donc vous le faites réellement et non pas en l'imaginant, levez vos bras et étendez vos deux mains en direction de l'image de vos corps énergétiques que vous avez visualisé il y a un instant. Placez vos mains physiques, donc réelles, à environ 30 cm au-dessus de la tête de l'image de votre corps que vous avez créé au début de l'exercice. Puis déversez par la paume de vos mains toute l'énergie qui vous est transmise par la sphère de lumière. Ressentez toute cette énergie sortir de la paume de vos mains réelles et alimenter le chakra couronne de vos corps énergétiques. Laissez-la se déverser et vous abreuver en grande quantité. Déversez de l'énergie à l'ensemble de votre corps. Passez du sommet de votre crâne à votre tête et continuez à descendre. Envoyez de l'énergie par la paume de vos mains à chaque partie de votre corps. Votre tête, votre visage, le cou, les épaules, et ainsi de suite, jusqu'à vos pieds. Continuez à déverser ainsi des flots d'énergie sur votre aura. Permettez-lui de se régénérer, de se fortifier, afin que votre taux vibratoire augmente autant que possible. Utilisez toute l'énergie que vous voulez, en n'oubliant pas que celle-ci est à votre entière disposition, aussi longtemps que votre boyau reste connecté à la source qui est au-dessus de vous. Observez l'épaisseur de vos corps énergétiques qui devient de plus en plus ample et voyez l'intensité de la lumière se dégageant d'eux augmenter. Elle est de plus en plus brillante, dorée, presque impossible à regarder à l'œil nu. Enfin, entourez vos corps énergétiques d'une couche finale d'énergie lumineuse, comme s'il s'agissait d'une large bulle ou d'un blindage que rien ni personne ne pourra traverser ou altérer. Désormais, vous êtes rempli d'une belle et saine énergie qui alimente votre corps et votre esprit. Votre taux vibratoire est haut et vous êtes connecté à tout ce qui vibre à cette même fréquence. Comme je vous le disais au début de cet exercice, tout dans l'univers est composé d'énergie. Les galaxies, les planètes, la nature, les animaux, nous. Mais les situations que nous croisons dans notre existence sont tout autant composées d'énergie que le reste. C'est la raison pour laquelle nous allons maintenant apporter toute l'énergie nécessaire à une situation que vous vous apprêtez à vivre afin d'en augmenter le taux vibratoire et pour que son déroulement vous soit bénéfique, mais aussi qu'il le soit pour les personnes qu'elle inclut. Ce peut être un entretien d'embauche, une réunion importante, une rencontre avec des clients, ou encore un rendez-vous avec votre banquier afin d'emprunter les fonds dont vous avez besoin pour créer votre affaire. Tout est possible, c'est à vous de choisir. Continuez à respirer profondément, en inspirant par le nez et en expirant par la bouche. Maintenant, je vous demande de créer dans votre esprit une image qui représente au mieux cet événement. Par exemple, vous pouvez vous voir dans le bureau du DRH, face à lui, ou bien en train de discuter avec votre conseiller financier, ou encore autour de la table de réunion dans votre entreprise. Laissez votre imagination former cette image. Puis, comme dans la première partie de l'exercice, visualisez à présent non pas l'image, mais l'énergie qui se dégage de cette image, de vous et des individus présents. Voyez une lumière intense qui l'encercle et qui inonde les personnes et les objets variés qui s'y trouvent. Observez l'aura et les corps énergétiques de cette scène. Maintenant, la gigantesque masse de lumière comparable à la Lune, source de tout ce qui est, apparaît à nouveau au-dessus de vous. Le canal reliant votre chakra couronne à celle-ci émerge également. Vous laissez le flux de la boule d'énergie universelle passer à travers votre crâne, vos épaules, vos bras et vos mains, comme vous l'avez fait dans la première partie de cet exercice. Tendez les bras et inondez de cette lumière intense qui sort par la paume de vos mains l'ensemble de l'image que vous avez projetée. Faites exactement la même chose qu'avec la représentation de votre corps et de votre aura. N'hésitez pas à retourner votre photo dans tous les sens afin que chaque parcelle soit baignée d'énergie. Continuez à déverser toute l'énergie que vous pouvez sur la représentation de cette scène. Faites-la déborder d'énergie. Ressentez les vibrations qui s'en dégagent et qui augmentent. Déversez toute cette énergie sur votre scène. Vous ressentez de la paix, du succès et de la sérénité en regardant votre image. Continuez encore. C'est parfait. Vous avez fait tout ce qu'il fallait. Pour terminer, je vous propose de créer un ancrage qui vous permettra de retrouver dans n'importe quelle circonstance cet état de bien-être, de confiance et de dynamisme dès que vous le souhaiterez. Pour cela, intensifiez encore plus votre ressenti ainsi que toute cette assurance que vous avez désormais en vos capacités professionnelles. Puis, avec le bout de l'index et du majeur de votre main droite, réellement, physiquement, vous tapotez votre épaule gauche de deux petits coups. Vous tapotez deux fois d'affilée, gentiment, tac-tac, au même rythme que si vous frappiez à une porte. Comme ceci. Inutile que la pression soit importante. L'essentiel étant que vous la ressentiez et rien de plus. C'est très bien. Désormais, il vous suffira de reproduire ce double tapotement de ces deux doigts de votre main droite sur votre épaule gauche pour retrouver cet état de félicité, d'énergie et de confiance en vous et en votre avenir professionnel. N'hésitez pas à refaire cet exercice régulièrement afin de faire le plein d'énergie. Une énergie incommensurable, à la source de tout ce qui est et de tout ce qui sera. N'oubliez jamais que plus vous serez rempli d'énergie et plus vos vibrations seront hautes. Mais que plus vos vibrations seront hautes et plus la vie vous offrira ce qu'elle a de plus beau. Après cela, prenez le temps pour revenir ici et maintenant et pour rouvrir vos yeux. N'oubliez pas de faire bouger doucement votre tête et de secouer vos bras et vos jambes comme un sportif après l'effort, car cela vous aidera à reprendre pied avec cette réalité. Toutefois, si vous désirez effectuer un des exercices précédents, alors je vous invite à rester assis confortablement, en gardant les yeux fermés et en respirant profondément.